Chapitre 3e. Faustine et sa sœur Louise étaient restées orphelines dès leur plus tendre enfance. C'était un malheur qui devait influer sur leur vie entière et principalement sur celle de Faustine, qui, plus prompte à s'égarer, avait aussi plus besoin d'être guidée. Une vieille tante, nommée Wilhelmine, les recueillit et se chargea de leur tenir lieu de mère. Hélas, cette tâche pieuse et sainte, comment la remplit-elle? Elle la plaça dans un grand pensionnat et les abandonna aux soins d'une étrangère, sans s'occuper elle-même de leur éducation, sans s'inquiéter de la manière dont on formait leur esprit et leur cœur. Cette éducation terminée, et lorsqu'elles eurent atteint l'âge de 15 et de 17 ans, elle les fit revenir auprès d'elle et ne songea plus qu'à les marier. La garde de ces deux jeunes filles était pour elle un fardeau trop lourd. Leur présence inquiétait sa coquetterie, car il se piquait encore de plaire, et elle avait trop d'expérience pour ne pas savoir qu'en présence de cette jeunesse, ses charmes surannés devaient paraître plus flétris encore. À cette époque, deux jeunes gens du voisinage se montraient fort assidus dans sa maison. Elle jeta les yeux sur eux pour en faire les maris de ses deux nièces, et elle manœuvra si bien qu'elle exécuta son plan. L'un de ces deux jeunes gens était le comte Obernau, soldat grossier et brutal, qui n'aimait au monde que son cheval, la bouteille et la pipe. L'autre se nommait Maximilien von Waldorf, propriétaire d'un petit domaine qu'il exploitait lui-même, homme d'une nature épaisse, sans culture, sans éducation, d'ailleurs bon et honnête. Le premier était fort riche, le second l'était peu, mais cette inégalité de fortune pouvait s'effacer avec le temps. Car Waldorf était actif, industrieux et excellent agronome, ainsi que la vieille tante le disait quelquefois à Louise. Quant à Obernau, il s'entendait mieux à dissiper qu'à amasser. « Eh bien, disait la tante à Faustine, tu lui apprendras à dépenser son argent d'une manière agréable et décente, au lieu de le prodiguer en honteuses orgies. » Faustine applaudissait par un sourire. C'est ainsi que cette discrète tante préparait l'esprit de ses nièces à la condition du mariage. Le hasard, du moins, avait arrangé les choses selon les souhaits et les goûts de Louise. Le ciel l'avait créée pour la vie, les plaisirs et les travaux domestiques. Depuis qu'elle était sortie de pension et que la perspective du mariage avait commencé à occuper sa jeune imagination, son seul rêve avait été de se voir à la tête d'une maison, de présider aux soins d'un ménage. Le bal, la danse, la toilette, les dissipations du monde n'avaient aucun attrait à ses yeux. Mais maniée, pliée et serrée dans une armoire du linge bien blanc, lessivée par ses servantes, allait venir dans une ferme, veiller à la laiterie, au poulailler, à la fruiterie, partager son temps entre une foule de détails utiles, voilà ce qu'elle ambitionnait, voilà l'image qu'elle se faisait du bonheur. Le bon Waldorf était donc justement l'homme qui lui convenait le mieux. Le sort lui envoyait celui qu'elle eût choisi entre tous. La manière dont ce mariage fut conclu mérite d'être racontée. Non, cette jeune fille n'est pas née pour mettre le pied dans un salon, disait en affectant un grand dépit la tante Wilhelmine à Waldorf, un jour que Louise rentrait le teint animé et la coiffure en désordre. Voyez, comme elle a la figure en feu. D'où venez-vous, mademoiselle? Je gage que vous sortez de la laiterie. Croiriez-vous, monsieur Waldorf, que si je la laissais faire, elle me tiendrait lieu de deux servantes? On n'est pas plus campagnarde et plus fermière. Ce matin, dès la pointe du jour, elle battait du lait et faisait des fromages. Aimez-vous le fromage, monsieur Waldorf? Waldorf avait écouté attentivement cette tirade germanique. Chaque mot résonnait agréablement à son oreille, et l'accusation fulminée contre la pauvre Louise était pour lui le plus grand des éloges. Il le ruminait donc profondément sur ce texte important lorsque la brusque interpellation de la tante Wilhelmine le tira de ses réflexions. « Si j'aime le fromage, répondit-il en tressaillant. « Sans doute, je l'aime. C'est-à-dire, quand il est bien fait, c'est comme le beurre, il faut qu'il soit bon. Pour être bon, je suis de votre avis, » repartit gravement la tante. « Ma nièce s'entend aussi très bien à faire le beurre. » « Mais le beurre se fait avant le fromage, » répliqua le méthodique Waldorf, qui, tout plein de son sujet, n'était sans doute pas fâché de montrer sa science, car il jeta un regard furtif sur Louise comme pour réclamer son attention. Malheureusement pour lui, la jeune fille s'était déjà retirée à l'autre extrémité de l'appartement. « Le beurre, dites-vous, se fait avant le fromage, » repartit la vieille dame. « Peu importe. Il suffit, comme vous le déclariez tout à l'heure, qu'il soit bon, et Louise, pardonnez-moi, cela importe beaucoup. » reprit l'opiniâtre Waldorf en s'attachant à son idée. C'est un point capital. Et il ne faut pas que Mademoiselle Louise l'ignore. D'abord, on est crème le soir, puis... Mon cher Waldorf, interrompit la tante, je ne vous ai pas dit que Louise eût fait le fromage avant le beurre. À Dieu ne plaise. Je vous détaillais ses divers travaux de la journée, sans observer exactement l'ordre des choses. Elle s'entend trop bien à tout ce qui concerne la laiterie pour commettre une erreur aussi grossière, et voilà justement ce qui m'afflige, ce dont je me plains à vous. « Très bien, » dit Waldorf entièrement satisfait de cette explication. « Et à quelles autres occupations s'est-elle livrée ?»« La liste en serait trop longue. Coudre, broder, vaquer à tous les soins du ménage, tel est l'emploi ordinaire de ses journées. Aujourd'hui, par exemple, outre le fromage et le beurre, outre le beurre et le fromage, elle a trouvé le temps de confectionner des confitures, aussi vous avez vu en quel état elle est revenue. « Une brave fille !» murmura Waldorf entre ses dents. « Ce n'est pas qu'elle manque de qualités aimables, mon Dieu. Non, elle est bonne, douce et simple. De plus, spirituelle et jolie. Mais elle n'a pas les goûts d'une demoiselle. Non, non, elle n'a pas les goûts d'une demoiselle. » répéta Waldorf de plus en plus rêveur. « Ce serait une excellente ménagère. » poursuivit insidieusement la tante Wilhelmine en appuyant sur chacun de ces mots. « Entre les mains d'un homme qui vivrait à la campagne, comme vous. D'un homme sensé, comme vous, et... qui préférerait les qualités utiles au dehors brillant. Une pareille femme serait un trésor sur ma parole. » Je l'ai déjà pensé bien des fois, s'écria Waldorf, et traversant le salon à grands pas, il s'approcha de Louise qui brodait seule à l'écart, assise dans l'embrasure d'une croisée, tandis qu'Obernau et Faustine, placés devant le piano, s'occupaient de musique. « commença Waldorf, en guise de précaution oratoire, car il ne brillait pas précisément par l'éloquence. « Mademoiselle Louise, à quoi travaillez-vous donc assidûment? Vous brodez, je crois. » « Oui, je brode un mouchoir de poche, » répondit Louise sans lever les yeux. « Ah !» dit Waldorf, et ne trouvant rien de plus pour renouer la conversation, il se tut. Au bout de quelques minutes de recherche, il se hasarda à attaquer un autre sujet. « Mademoiselle Louise, » demanda-t-il de l'air le plus grave du monde, « aimez-vous les groseilles ?»« Les groseilles ?» répondit la jeune fille avec enjouement. « J'en raffole. Qui est-ce qui n'aime pas les groseilles ?»« Mais, » ajouta-t-elle d'un ton malicieux, « il faut qu'elles soient bonnes. Pour être bonnes, » Mademoiselle Louise, à ce qu'il paraît, avait l'oreille extrêmement fine. « Il y a de bonnes groseilles, au Waldorf, » repartit son admirateur avec un accent d'homme pénétré. « Je le crois, » répondit Louise. « Ma tante me l'a dit. »« Elle vous l'a dit ?» s'écria Waldorf triomphant. « En vérité, j'en suis bien aise, j'en suis enchanté. Et dites-moi, Mademoiselle Louise, est-ce que vous ne seriez pas tenté d'en goûter ?»« Notre jardin produit aussi d'excellentes. » repartit Louise en éludant la question, à la manière des jeunes filles. « Ah !» dit Waldorf une seconde fois dérouté. Et la conversation tomba de nouveau. Louise continuait de broder. Ses doigts effilés conduisaient l'aiguille avec une activité singulière, mais l'agitation de son sein indiquait que d'autres pensées l'occupaient. Quant à Waldorf, il se démenait sur sa chaise, allongeait ou retirait le pied, et portait ses regards tantôt au plafond, tantôt sur l'ameublement. Évidemment, son esprit était en travail. « Diable, diable » pensait-il, « je ne sais vraiment comment entamer ce que je veux lui dire. C'est difficile lorsqu'on n'en a pas l'habitude. La jeune fille ne m'aide pas. Mais j'en viendrai à mon honneur. Je l'ai résolu, allons. » Du courage, de l'audace. Ma chère demoiselle, ajouta-t-il à demi-voix, en se penchant confidentiellement vers Louise, vous pourriez venir à Oberwaldorf goûter de mes groseilles. Des groseilles excellentes, j'ose le dire, et en faire, soit des confitures, soit tout autre chose. Vous me rendriez par là très heureux, et vous me rendriez plus heureux encore si vous daigniez accepter ma main. À cette brusque déclaration, Louise rougit et, toute confuse, baissa la tête jusque sur sa broderie. « Eh bien ?» demanda Waldorf qui, une fois lancé, ne s'arrêtait plus. « Si ma tante y consent, » balbutia Louise, « je... Elle accepte !» s'écria Waldorf d'une voix éclatante et sans attendre la fin de la phrase. Puis, s'adressant à la tante Wilhelmine qui n'avait rien perdu de cette petite scène, « N'est-ce pas, madame, que vous n'avez pas d'objection à faire à ce que Mademoiselle Louise devienne ma femme ? Obornau et Faustine se retournèrent saisis d'étonnement. Louise alla cacher dans sa chambre son trouble et sa confusion. Faustine l'y suivit aussitôt. Waldorf, qui ne se possédait plus de joie, voulait courir après les deux sœurs, mais on réussit à le retenir. Un rendez-vous fut pris pour le lendemain. Les clauses du contrat furent établies, et le soir même, la tante Wilhelmine présenta à ses amis et à ses voisins, convoqués dans une petite fête, l'heureux Waldorf comme le futur époux de sa nièce Louise. Au bout de 6 semaines, le mariage eut lieu. « Êtes-vous réellement heureuse, ma chère Louise ?» demandait Faustine à sa sœur, en lui attachant sur la tête la couronne de fleurs d'oranger, doux symbole qu'elle-même devait porter bientôt, car son union avec le comte était décidée. « Êtes-vous heureuse, bien heureuse ? » ajouta-t-elle avec plus d'insistance. « Oui, sœur, » répondit la jeune mariée, en rougissant et en souriant tour à tour. Faustine étouffa un léger soupir. « Tant mieux, oh, tant mieux !» dit-elle en joignant les mains avec ardeur. « Mais, Louise, dites-moi, expliquez-moi ce qui cause votre joie. Que vous dirais-je? J'ai tant de raisons de me réjouir. Eh bien, parmi ces raisons, quelle est celle que vous placez en première ligne? C'est peut-être la perspective d'avoir une maison à moi, un ménage à moi, et de le gouverner à ma fantaisie. Je ne vois là qu'une source d'ennui, de soins fatigants ou désagréables. Dites plutôt de plaisir. Vous savez, Iny, que ce sont les seuls plaisirs pour moi. Ensuite, je ne serai plus sous la férule de ma tante. C'est quelque chose que cela. C'est beaucoup. Et après, continuez, ma chère Louise. Après, je serai une femme mariée. J'aurai le droit de m'asseoir en compagnie, tandis que les petites filles, comme ma chère Iny, resteront debout. C'est encore un grand motif de joie, je l'avoue. Et après... Ici, Louise s'interrompit et cacha son visage dans le sein de Faustine, puis, avec une expression de pudeur adorable, « J'aurai pour mari un homme que j'estime, que j'aime et dont je sais que je suis aimée. Ah, ce n'est point un élégant, un homme à la mode, il figure assez mal dans un salon, il rit, il parle très haut. Mais il me plaît mieux ainsi. Sa manière de parler et de rire est franche et sincère. » Ajoutez sa manière d'embrasser, qui ne l'est pas moins. Seulement, ma chère Louise, il faudrait qu'il fît en sorte de ne pas laisser une marque rouge partout où il pose ses lèvres. Une marque rouge ? S'écria Louise alarmée en se précipitant vers une glace. Mais elle eut beau chercher la trace accusatrice dont sa sœur lui parlait, son image reflétée ne lui montra que des traits animés par la joie, un teint uni, des joues vermeilles que la lèvre d'un homme ne semblait jamais avoir effleurées. Cela s'en va, dit-elle, il n'y paraît plus, et pourtant ce matin... L'arrivée de la tante Wilhelmine, qui venait contempler Louise dans sa toilette de noces, troubla le cours de ses confidences. Faustine demeura toute pensive. « Voilà donc le mariage, » se disait-elle, « voilà le bonheur qu'il vous offre. » Louise, du moins, a trouvé un mari, selon ses goûts, un homme qu'elle estime et qu'elle aime, mais moi. La suite prouva que Louise et Waldorf ne s'étaient pas trompés dans le choix qu'ils avaient fait l'un de l'autre. Ils vivaient heureux et prospéraient. Leur domaine d'Oberwaldorf s'était augmenté dans la même proportion que leur famille. « Ah ça, ma chère Iny, » disait pendant la route Andlau à Faustine, « expliquez-moi donc pourquoi votre beau-frère emploie en vous écrivant un style aussi formaliste. Vous me l'avez dépeint comme un homme simple et sans façon. Il l'est, en effet, mais il se défie de lui-même, et quand il se propose de faire preuve de politesse et de savoir-vivre, il copie les formules de quelques vieilles lettres dont il a un répertoire dans sa bibliothèque. « Mon beau-frère n'est pas un savant comme vous, Anastase. Composer une lettre est pour lui une grande affaire. Les seuls livres qu'il aime à lire sont ceux qu'il écrit lui-même. Comment ? Il écrit des livres ? Oui, vraiment, il en a déjà une collection. Des livres sur l'agriculture, peut-être. Et non, il s'agit de ses livres de recettes et de dépenses, qu'il tient avec une régularité scrupuleuse, et qu'il copie de sa main de sa plus belle écriture. » Il en fait plusieurs exemplaires de formats différents, in 16, in octavo, in quarto, in folio, et enfin royal in folio. Ce dernier réunit le luxe du papier et de la reliure. Parbleu, voilà une étrange collection. Et à quoi ou à qui votre beau-frère destine-t-il les livres de sa façon? Il les destine à ses enfants. L'aîné aura le royal in folio, le second in folio, le troisième in quarto, et ainsi de suite. Pardon, ma chère Iny, mais... « C'est une véritable manie. Peut-être. Mais qui n'a pas la sienne? il faut passer cette faiblesse à mon beau-frère, car lui-même est plein d'indulgence pour celle des autres. Ainsi, ma sœur Louise a la passion du linge. Vous, Anastase, vous appelleriez ça une manie. Eh bien, Waldorf, à chaque enfant, fille ou garçon, que sa femme met au monde, lui donne en présent une pièce de terre qu'elle fait cultiver comme il lui plaît. On y sème pour elle du chanvre ou du lin, et de la sorte, sa provision de toile va toujours en s'augmentant. À merveille! Votre sœur Louise étant déjà mère de 5 enfants, pour peu qu'elle continue, elle absorbera toutes les terres de son mari, et celui-ci, descendant l'échelle des formats, en viendra au format microscopique. Quel est donc ce frère dont il vous parle dans sa lettre, et qu'il appelle Clément? Le connaissez-vous? Le petit Clément, sans doute, je le connais. Je l'ai rencontré il y a 4 ans à Oberwaldorf. C'était déjà un grand jeune homme, mais si timide, si naïf, si dépourvu d'usage, que je l'appelais toujours le petit Clément. Je serai charmé de le retrouver cette année chez ma sœur. J'espère qu'il aura pris un peu les manières d'un homme. Dans l'espèce de solitude où je vais vivre, sa société ne sera pas un agrément à dédaigner. Tandis que Faustine parlait ainsi d'un ton enjoué, le visage du baron s'était rembruni. « Faustine, dit-il sévèrement, vous êtes bien légère et bien étourdie dans vos discours. »« Quoi ? Répondit Faustine en riant. « Vous voulez que je ne sois pas contente à l'idée de revoir le petit Clément ? Est-ce qu'il vous inspirerait de l'ombrage ? Oh, je vous en prie, Anastase, faites-moi l'honneur d'être un peu jaloux. Vous en avez une belle occasion, et je désirais tant savoir l'effet que produit la jalousie sur votre caractère. » « Vous ne le saurez jamais, Faustine, » répondit Hanlo avec une fermeté étudiée et en s'efforçant d'affermir sa voix. « Moi, jaloux, je ne le serai jamais, je ne puis jamais l'être, car je ne souffre point de rival, et la possession qui m'est disputée, j'y renonce. »« Et quoi, Anastase ?» reprit timidement Faustine en le suppliant du regard, même s'il s'agissait de moi. Le baron tressaillit, mais comprimant son émotion et détournant les yeux. « Oui, répondit-il, même s'il s'agissait de vous. » Faustine ne répliqua rien. Ses yeux se remplirent de larmes. Elle baissa la tête et porta la main à son cœur comme si un coup poignant l'y eût frappé. Bientôt elle tomba dans de profondes réflexions. Vainement, le baron chercha-t-il à lui rendre sa gaieté en détournant l'entretien sur un autre sujet. Ses efforts furent inutiles. Ainsi qu'il arrive presque toujours en pareil cas, la tristesse de Faustine le gagna lui-même, et le reste du voyage se ressentit de cette impression. Leurs adieux, quand ils se séparèrent, furent moins pénibles qu'ils ne l'avaient craint.